Fallait-il une attelle pour redresser le barreau? Ne restez donc pas retranchés dans vos convictions. La peau vieillie de l'être, toutes les créatures en des routes d'asphalte. Couronner le meilleur, se moquer de l'excellence. Compétition aux aguets, fleurons de la nation. Triste sera la chute du trône où tu méprisais. Jardin botanique, pauvre sauvageonne, effleuré de corps en corps, les prisons de ton corps, les cris sauvages, les orgasmes du quérinté, brillés du pubis, que d'esclaves écarlate, regorge la campagne et pillez la prairie, et pillez la prairie hors du temps, hors de la science humaine, le régime compatible à la pensée du peuple, le contenir. Hors du temps, hors de la science humaine, hors du temps. De ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, tout ce qu'on dit ne sert pas à grand chose. Thank you.